Jean Ollier, pensée choisie sur le culte de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Texte inédit publié par Georges Letourneau, édition Le Coffre et Gabaldin 1916. Avis au lecteur. Cher lecteur, vous avez entendu parler du zèle avec lequel le célèbre curé de Saint-Sulpice, au XVIIIe siècle, Monsieur Ollier, avait réformé et dirigé sa paroisse. Vous savez avec quel succès il y a établi la dévotion la plus solide envers le très saint sacrement et la sainte Vierge. Vous n'ignorez pas davantage qu'il a su donner aux jeunes clercs des séminaires les meilleures traditions de piété, d'abnégation et de dévouement pour l'Église. Cependant, vous êtes peut-être du nombre des fidèles qui ont conçu quelques défiances à l'égard des écrits spirituels du fondateur du séminaire de Saint-Sulpice. Vous avez entendu dire parfois que ses écrits étaient austères, obscurs et abstraits, qu'il traitait des aspects les plus sombres de l'ascétisme chrétien, mais qu'il ne touchait qu'imparfaitement aux dévotions les plus belles et les plus consolantes du culte catholique. Ce petit recueil a été composé pour vous détromper et il vous causera sans doute une surprise agréable. Assurément, le serviteur de Dieu a parlé avec insistance de la déchéance originelle et de la nécessité de se régénérer en Jésus-Christ par une mortification constante, mais il ne s'est pas confiné dans cette doctrine. Il a traité plus fortement et plus longuement encore des splendeurs de Jésus-Christ, des magnificences de la vie divine qu'il nous communique, des grandeurs de Marie, de la gloire des anges et des saints. Pour se convaincre de cette vérité, il suffit presque de lire la vie de Monsieur Ollier, si remplie de traits et de textes admirables qui nous font bien pénétrer dans ses pensées. En tout cas, on est largement renseigné, si on veut se donner la peine de lire avec attention ceux de ses écrits qui depuis longtemps ont été imprimés, traité des saints ordres, journées chrétiennes, introduction à la vie et aux vertus chrétiennes, cérémonie de la grand-messe, catéchisme chrétien, lettres, opuscules divers. Les pensées choisies que nous vous offrons, chers lecteurs, achèveront, nous l'espérons, de vous faire comprendre et goûter la belle spiritualité du fondateur de Saint-Sulpice. Désireux de combattre les préjugés dont nous avons parlé, nous avons entrepris d'exploiter les trésors qui se trouvent dans les œuvres inédites de Monsieur Ollier qui, comme on le sait, sont encore considérables. Préoccupés de présenter un volume d'étendue restreinte, qui fut accessible aux laïcs comme aux prêtres, nous nous sommes bornés à choisir les textes les plus clairs et les plus beaux parmi ceux qui concernent le culte de Notre Seigneur, de la Sainte Vierge, des anges et des saints. Ce sont les grands objets de la piété catholique, vous verrez avec quelle aisance, quelle profondeur, quel charme et quelle ardeur le célèbre curé de Saint-Sulpice sait en parler. Aussi, nous en avons la confiance, les prêtres, les clercs, et même les laïcs, notamment les paroissiens de Saint-Sulpice, feront bon accueil à ce petit livre. Ils liront avec profit les belles pages qui le composent et ils salueront leur auteur comme l'un des meilleurs représentants de cette école de spiritualité, dont les interprètes les plus autorisés sont parmi nous le bienheureux Jean Eudes au XVIIe siècle, le bienheureux Grignon de Montfort au XVIIIe et le vénérable Liberman au XIXe siècle. Si vous voulez bien vous rappeler que Monsieur Ollier notait généralement ses pensées à la hâte, pour son directeur spirituel, sans songer au public, sans prendre le temps de se relire et qu'il écrivait à une date, vers 1640-1650. Où la langue française achevait à peine de prendre sa forme parfaite, vous accorderez sans doute que notre auteur n'est pas l'écrivain obscur et abstrait que l'on a jugé souvent sans le connaître. Il sait exprimer ses hautes pensées dans un style qui ne manque ni de noblesse ni d'ampleur, et ses esquisses les plus rapides nous offrent souvent un dessin plein de relief. Georges Le Tourneau, curé de Saint-Sulpice, Paris, 8 décembre 1915. Note. Nous avons pris principalement nos textes dans le recueil de Monsieur Goubin, ancien supérieur de la solitude de Saint-Sulpice. Ce travail ne fait que résumer lui-même les mémoires étendues de messieurs de Bretonvilliers et Tronson. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.